musique, ça marche super bien. Quand je suis splénétique, j'ai pas de meilleur copain. Dans la rue je bavarde avec tous les passants. Y'en a qui me regardent comme si j'étais Tarzan. J'ai monté une asso, les amis du Solian. Mon site est super beau, c'est tout fluorescent. On m'envoie par milliers des mails d'encouragement. Plein de gens concernés, la nouvelle se répand. Je veux l'original, c'est peut-être pas logique, mais pour moi c'est crucial. J'adore ma pharmacienne qui me fournit la boîte. Elle sent mon oxygène, toutes les deux je les convoite. Je ne me souviens pas de ce qu'est le malheur. Dans le pire des cas, je regarde le 20h. Qu'on me dise le nom du créateur génial, du merveilleux bonbon qui booste mon moral. Allô? Ouais, salut Anne-Sophie, c'est Christophe. Bah Christophe Hénaud du boulot, tu vois. Ouais. En fait, je t'appelle parce que j'ai deux places pour le concert de PJ Harvey. Et bah, en fait, je sais que t'es super fan, tout ça. Et je me disais que ça serait sympa si on y allait ensemble. Ah, d'accord, ok. Ton copain est super fan aussi. Ouais. Ouais. Non, mais bah, si vous voulez, je vous passe les places et puis vous pouvez y aller tous les deux. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Oh, ben non, tu parles. Moi, je l'ai déjà vu plein de fois, donc ça me dérange pas du tout. Hein. Voilà, ben on se verra au boulot et puis on ira peut-être boire un verre, hein, ce soir. Les antipsychotiques, ça marche super bien. Quand je suis splénétique, j'ai pas de meilleur copain. Dans la rue je bavarde avec tous les passants. Y'en a qui me regardent comme si j'étais Tarzan. J'ai monté une asso, les amis du Solian. Mon site est super beau, c'est tout fluorescent. On m'envoie par milliers des mails d'encouragement. Plein de gens concernés, la nouvelle se répand. Qu'on me dise le nom du créateur génial, du merveilleux bonbon qui booste mon moral. Je me le tatouerai pile poil au-dessus du cœur. Il sera juste à côté d'un fusil mitrailleur. Oh,